Les deux extrêmes, par Pitre Chevalier. Les extrêmes se touchent, mais ils se brisent. L'histoire qu'on va lire est, sauf le nom des personnages, vraie dans tous ses détails. C'est un de ces drames ignorés de la vie parisienne, qui viennent parfois ébranler la société sur ses bases les plus intimes. Le dénouement a éclaté il y a peu de temps dans la salle des mariages du 10e arrondissement, et le prologue avait eu lieu quelques semaines plus tôt, dans une mansarde et dans un salon de la rue de Wagrain, le jour même où la ville de Paris célébrait le retour de l'empereur Napoléon. On verra tout ce qu'il y a de frappant dans une telle coïncidence, et combien le gémissement des douleurs particulières se perd tristement dans le bruit des réjouissances publiques. Chapitre 1er. La mémoire du cœur. Déjà, monsieur de Méran, est-ce que j'arrive trop tôt, mademoiselle ? Vous savez bien que vous arrivez toujours trop tard pour moi, Édouard. Mais je vais être obligé de vous quitter tout à l'heure, car vous voyez que je suis moins avancé que vous, et qu'il faut que je fasse ma toilette. Votre toilette, et pourquoi donc ? Ah, mon Dieu ! Quelle distraction, monsieur ! Est-ce que vous ne vous souvenez plus ? Au fait, vous n'êtes pas habillé ? Mademoiselle, je vous demande mille pardons, mais je ne vous comprends pas. Je vous assure, monsieur, que je vous comprends encore moins. Avez-vous oublié que c'est aujourd'hui, le 15 décembre, que nous étions ce matin aux funérailles de l'empereur ? Personne ne s'en souvient mieux que moi, mademoiselle. Vous avez oublié, du moins, que vous nous accompagnez ce soir au mardi de la comtesse de Bruges. Ce soir, mardi ? Il est vrai que j'étais loin d'y songer. Cette réponse de M. de Méran, ainsi que celle qui l'avait précédée, fut accompagnée d'un soupir et d'un regard levé vers le ciel qui dénotait une toute autre pensée que celle d'un bal ou d'une fête publique. Il faut avouer, monsieur, que vous avez la mémoire bien courte ou bien infidèle, reprit la jeune interlocutrice en appuyant sur le dernier mot. Oh non, dit Édouard avec un nouveau soupir. Seulement les grandes choses font parfois oublier les petites. Les grandes choses. Ah, je ne savais pas que vous eussiez des intérêts plus graves que mes plaisirs, ni que vous m'officiez des secrets, surtout. Cette conversation, qu'il est temps d'expliquer, avait lieu sur les 7 heures du soir dans un salon de la rue de Varennes, entre le jeune homme que nous avons déjà nommé et mademoiselle Clotilde de Sancerre. Le premier, fils unique d'un lieutenant général de l'Empire, mort depuis un an, la seconde, enfant gâté d'une des meilleures familles du faubourg Saint-Germain. Lié depuis l'enfance d'une affection héréditaire, presque du même âge, ayant l'une de la noblesse, l'autre un nom glorieux, ils s'étaient aimés ou avaient cru s'aimer d'amour, et leur mariage était arrêté depuis un mois entre la mère d'Édouard et les parents de Clotilde. Ceci explique le ton familier qui régnait entre eux dans l'entretien dont nous allons reprendre le fil. Après l'observation que Clotilde avait laissé échapper d'un air tant soit peu boudeur, Édouard sentit douloureusement que ses réticences n'étaient pas comprises. Il quitta sa chaise pour aller s'asseoir sur un canapé tout près de mademoiselle de Sancerre. Mais arrivé là, il parut se raviser tout à coup par une considération de fierté. Au lieu de se poser comme un accusé qui s'explique devant son juge, il prit l'attitude et l'air d'un homme affligé qui attend une marque de sympathie de celle qu'il aime. Mais ses regards ne furent pas plus compris que son silence, et mademoiselle de Sancerre resta dans l'immobilité de l'étonnement. « Clotilde, dit alors Édouard en retenant une larme involontaire, et en prenant une main que la jeune fille ne lui abandonna qu'à demi. « Voulez-vous me donner encore une preuve de l'amour que vous m'avez si souvent témoigné ?»« Je ne m'engage point sans savoir ce que vous voulez, monsieur, » répondit mademoiselle de Sancerre avec un sourire embarrassé. « Parlez, et nous verrons, » ajouta-t-elle. « Si vous dites « nous verrons », il est inutile que je parle, » reprit Édouard. Et tous deux, se détournant à moitié, se mirent à regarder le parquet sans prononcer une parole. Clotilde se retourna la première. Édouard, dit-elle d'un ton sensiblement adouci et accompagné d'un regard qui ne laissait pas que d'avoir sa politique. Édouard, est-ce que nous irons fâchés à ce malheureux bal ? En réduisant cette avance à sa plus simple expression, le jeune homme n'y trouva que l'idée du bal ramené sous un prétexte habile. Il ne tient qu'à nous, répondit-il, d'en faire au contraire un motif de nous aimer davantage. Comment cela ? En n'y allant pas du tout. C'est la preuve d'affection que je voulais vous demander. « Monsieur de Méran, voilà une fort mauvaise plaisanterie. » Et la jeune fille de se remettre à bouder de plus belle. Elle aurait bien voulu se fâcher tout à fait, mais après avoir vu, dans l'opposition d'Édouard, une capricieuse taquinerie, elle venait d'y remarquer un caractère de douceur et de gravité qui aurait rendu son dépit ridicule. D'ailleurs, le jeune homme se rapprocha d'elle, la regarda avec une attention à la fois inquiète et profonde, et lui demanda d'une voix émue « Vous tenez donc beaucoup à cette soirée, mademoiselle ?»« Autant qu'on peut tenir à une soirée, monsieur, pas davantage, » répondit-elle spirituellement. « Ainsi, vous n'en feriez pas de sacrifice à une fantaisie ?»« Vous savez bien que je ne suis pas fantasque. » »« Je l'ai toujours cru. Mais à moins que vous ne m'expliquiez cette subite aversion pour une partie arrêtée depuis 15 jours, si je n'avais remarqué la date à cette époque, je ne vous aurais pas promis de vous y accompagner. C'est donc à cause de la date. » Cette question, qui sembla percer le cœur d'Edouard, fut faite avec la légèreté d'une personne qui écoute à peine ce qu'elle dit. « Oui, mademoiselle, c'est à cause de la date, » répondit le jeune homme, mais en refoulant un sanglot dans sa poitrine. « Mais n'en parlons plus, » reprit-il vivement, après avoir considéré encore mademoiselle de Sancerre. Puis, s'empressant de rendre à sa voix sa douceur naturelle, « Clotilde, » ajouta-t-il, « faites-moi la grâce d'oublier ce que je viens de vous dire. Allez achever votre toilette et permettez-moi de vous rejoindre au bal, au lieu de vous y accompagner. « Soit, monsieur, » répondit la jeune fille, étonnée d'un si brusque dénouement. Et comme M. de Sancerre entrait au même instant dans le salon, « Mon père aura la bonté de nous conduire, » dit-elle en faisant à Édouard un salut assez glacial. 2 heures après, Édouard rentrait, en cravate noire et en gants noirs, chez la comtesse de Bruges, au moment où Clotilde achevait de danser la première contredanse. « Mademoiselle, » dit-il en feignant de l'inviter pour une valse, « je suis venu à ce bal dans la seule intention de vous voir danser. Quant à moi, je ne danserai pas, et je me retire à l'instant même, car c'est le 15 décembre de l'an dernier, à pareille heure, que mon père, qui vous aimait comme sa fille, est mort dans vos bras et dans les miens. J'espérais n'avoir pas besoin de vous rappeler ce douloureux anniversaire, mais j'ai dû m'assurer si le souvenir d'un bal vous ôterait la mémoire du cœur. » Mademoiselle de Sancerre tomba pétrifiée sur sa chaise, tandis qu'Édouard quittait solennellement les salons. Et en voyant sa voiture qui stationnait à la porte, le jeune homme gagna à pied la rue de Varennes, où l'attendait l'aventure que l'on va voir.